Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les années Bébé Doc en Haïti. La République d'Haïti est maintenant dirigée par un nouveau président, M. Jean-Claude Duvalier, âgé de 20 ans, et qui a annoncé qu'il poursuivrait vigoureusement la politique de son père, le Dr. François Duvalier, décédé hier soir à l'âge de 64 ans, au terme d'une maladie de quelques semaines et d'une dictature qui s'est prolongée durant 14 ans. C'est en avril 1971 que Jean-Claude Duvalier, que l'on surnommera Bébé Doc, succède à son père à la présidence d'Haïti. Duvalier fils sera à la tête du pays jusqu'en février 1986 et c'est dans la nuit du 6 au 7 février 1986 que Jean-Claude Duvalier fuit Haïti à bord d'un avion qui va le conduire en exil forcé en France. Minuit 15, il y a un premier convoi de limousines qui sont arrivées. C'était surtout des proches du président Jean-Claude Duvalier et des proches de sa femme, Michel Bennett, qui sont arrivés. Et vers 3 heures, Jean-Claude Duvalier, lui, arrive à un peu passé 3 heures à l'aéroport en tête d'un convoi. Il conduit, il est au volant, c'est une BMW blanche, sa femme est à ses côtés. Elle a l'air tout à fait imperturbable, elle fume une cigarette, ses enfants sont à l'arrière. Et c'est à 3h46 précisément que l'avion a décollé et mettait fin à 28 ans et 4 mois de duvaliérisme de père en fils. Le journaliste Hugues Poulain qui décrit la fuite de Jean-Claude Duvalier d'Haïti dans cette fameuse nuit du 6 au 7 février 1986 pour nous raconter ces années Duvalier en Haïti, en particulier la période Bébé Doc de 1971 à 1986. Jean-Pierre Le Glonec, professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke. 28 ans et 4 mois de duvaliérisme de père en fils, rappelle Hugues Poulain dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Jean-Claude Duvalier qui arrive au pouvoir en 71, mais c'est vrai, Jean-Pierre Le Glonec, que le duvaliérisme remonte bien plus loin dans le temps. Ça commence en 57. Dans quel contexte, M. Le Glonec? Oui, le duvaliérisme commence en 1957 et n'est sûrement pas terminé. On aura l'occasion d'y revenir, j'imagine. François Duvalier accède au pouvoir en septembre 1957. François Duvalier est un médecin, intellectuel, porteur de l'idéologie dite noiriste en Haïti. Il incarne la classe moyenne noire qui émerge dans les années 1930 de la fin de l'occupation du pays par les États-Unis. Il est élu avec le soutien des États-Unis. Les élections sont entachées de fraude, mais la communauté internationale, et en particulier les États-Unis, se satisfont tout à fait d'un résultat qui semble incarner la stabilité politique pour la nation. François Duvalier accède au pouvoir et très vite, il instaure la dictature. Et au fond, les piliers du régime de François Duvalier sont les mêmes piliers que le régime de Jean-Claude Duvalier. Je vais juste les rappeler brièvement. Le principal pilier de la dictature de François Duvalier et de son fils, c'est la violence. La violence extrême, la violence aveugle, la violence gratuite. François Duvalier le dit très clairement au tout début de sa présidence. Il dit « Je n'ai pas d'ennemis et je ne peux pas en avoir ». Je ne peux pas en avoir, en quelque sorte, à partir du moment où un ennemi se déclare, eh bien, il déclare aussi sa mort. Alors, la violence est le premier pilier du régime duvaliériste, le contrôle de l'armée, la création d'un système de milices que l'on connaît bien, je crois, les volontaires de la sécurité nationale, que l'on connaît également sous le nom de Tonton Macoute, ouais. La corruption, l'appropriation de l'appareil étatique par une clique dominée par les duvaliéristes, et enfin, dernier pilier, qui sera le pilier du père comme du fils, le culte de la personnalité. Ouais. Dictature, dans la plus pure tradition, une dictature pure et dure. C'est donc en avril 71 que François Duvalier meurt, mais il a tout prévu et en vertu de la Constitution, c'est son fils, donc, Jean-Claude, qui lui succède. Qui gouverne Haïti aujourd'hui, me demandez-vous? Je vous réponds que c'est Jean-Claude Duvalier, successeur constitutionnel de feu, le docteur François Duvalier. Toutes les forces nationales appuient mon gouvernement. Et je suis aidé dans ma tâche par un cabinet ministériel, un conseil de gouvernement, une armée et une milice qui font bloc autour de ma personne. En un mot, je continue l'exemple donné par mon père et le combat de tous les héros qui m'ont précédé dans la lutte pour le maintien de notre indépendance politique et économique. Extrait de l'émission Format 60, diffusée le 14 mai 1971. On y entend bien sûr Jean-Claude Duvalier répondre à la question d'un journaliste qui lui demande qui dirige Haïti à la suite de la mort de son père. Jean-Pierre Le Glonec, donc ça avait été prévu par le père. Il y a eu un référendum un peu bidon juste avant qu'il ne décède, autorisant son fils à lui succéder. Comment ça se passe, cette transition entre Duvalier père et Duvalier fils? La transition se passe relativement simplement, étant donné qu'il y a une continuité dans la gestion du système de l'État de la part de Jean-Claude Duvalier. Il n'y a pas vraiment de différence entre la dictature du père et la dictature du fils. Écoutez, pour répondre à votre question, je vous donnerai le résultat du référendum de février 1971, qui autorise donc la modification constitutionnelle, qui n'est pas la première, évidemment, dans le régime duvaliériste. Cette modification est approuvée avec donc 2 391 916 voix pour, et les historiens ne sont pas tout à fait d'accord sur le nombre de voix contre. On pense qu'il y a eu peut-être zéro voix contre ou une voix contre. Hein, zéro ou une. Alors voilà exactement comment se passe la transition. Elle se passe très simplement. Ouais. Le système dictatorial est en place et continue à être en place, notamment à travers cette milice de volontaires de sécurité nationale qui contrôle le pays et notamment les zones rurales. Ouais. Petite parenthèse, bébé Doc, pourquoi? Oh, bébé Doc, parce qu'au fond, il a l'air d'un chérubin. Enfin, il arrive au pouvoir, il a à peine 19 ans. Il faut modifier la Constitution parce qu'à 19 ans, il n'a même pas le droit de voter. Imaginez, ouais. Hein, l'âge de la majorité est à 21 ans. Donc, c'est un enfant. C'est un enfant qui n'a pas du tout envie de prendre le pouvoir. Il estime que ce serait plutôt le rôle de sa mère ou de sa sœur. Il est beaucoup plus intéressé par ses aventures amoureuses ou par les voitures de collection que par le pouvoir politique. Et le Doc, c'est la référence au fait que son père était médecin. Donc, bébé Doc, ce chérubin qui succède au père médecin, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Hein? Ouais. François Duvalier était une figure intellectuelle très importante dans les années 1930-1940 et au début des années 1950. On ne peut pas en dire autant de son fils. Bon, quand il arrive, le fils, Jean-Claude Duvalier, il dira que son père a fait la révolution politique et que lui veut faire la révolution économique en Haïti. Avec quel bilan, Jean-Pierre Le Glonec? Alors, au fond, son père n'a fait aucune révolution politique, il va sans dire, et Jean-Claude Duvalier ne fera aucune révolution économique. Il est certain que Jean-Claude Duvalier entretient des relations extrêmement cordiales avec les États-Unis, en particulier avec l'administration Nixon, qui soutient la dictature duvaliériste, puisque finalement, Jean-Claude Duvalier se présente comme le rempart de l'anticommunisme dans la zone antillaise. Alors, vous comprenez bien qu'au fond, il ne fait aucune révolution économique, mais il se présente comme l'anti-Castro. Alors, dans les années 70, il encourage l'arrivée de capitaux étrangers, en particulier l'arrivée de capitaux américains dans le pays. Il encourage la venue notamment de l'industrie, enfin des industries d'assemblage, l'industrie du textile également se développe en Haïti. Écoutez, les investisseurs américains et les investisseurs étrangers en général se réjouissent de la possibilité d'exploiter une main-d'œuvre haïtienne qui est payée évidemment très très peu. Hein. La main-d'œuvre haïtienne est extrêmement compétitive dans les années 70 et 80. Puisque le principe de la dictature duvaliériste est d'appauvrir la population, la masse de la population, tout en enrichissant la clique qui contrôle l'État. Le tourisme aussi, certains de nos auditeurs vont s'en souvenir, c'est une destination à l'époque assez courue. Oui, tout à fait. Le Club Med ouvre un hôtel tout à fait luxueux, non loin des bidonvilles. Évidemment, cet hôtel est gardé de manière tout à fait militaire, puisqu'on ne veut surtout pas que les touristes voient la réalité du pays. Mmh. Mais c'est un miroir aux alouettes. On comprend bien que l'appauvrissement, vous me parliez de bilan tout à l'heure, l'appauvrissement est la règle dans les années 1970 et au début des années 1980. La famine dans les zones rurales, la constitution de bidonvilles, puisque de plus en plus, la population est attirée vers ces industries d'assemblage étrangères qui sont situées dans la périphérie des villes. Donc dans les années 70, le bilan du jean-claudisme, on peut l'appeler comme ça, un phénomène de libéralisation économique, eh bien c'est un appauvrissement général de la population et un enrichissement de la classe politique. Et puis ce qui va caractériser aussi sa présidence, c'est au fond c'est les fondements, c'est le début de ce qui mènera à sa fuite, c'est-à-dire une diaspora qui s'élargit, qui contribuera à la construction d'un mouvement d'opposition. l'opposition, les organisations privées qui vont être de plus en plus nombreuses parce qu'il y a tellement de corruption. Comment on peut caractériser justement ce qui se passera durant cette présidence? Vous mettez le doigt ici sur un phénomène très important, la constitution de la diaspora haïtienne. Il faut rappeler tout de même qu'on estime à 1 million le nombre d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui quittent le pays pendant la dictature du valériste, du père comme du fils. Une diaspora à l'intérieur de laquelle on distingue deux moments. D'abord une diaspora plutôt de profession libérale, de classe moyenne supérieure, et ensuite une diaspora plutôt ouvrière, populaire. 1 million de personnes, c'est environ 15% de la population du pays qui quitte Haïti entre 1957 et la fin des années 1980. Donc c'est une tragédie pour une nation qui perd finalement ses forces vives, ses forces intellectuelles, ses travailleurs. Cette diaspora, comme vous le dites si bien, s'installe à New York, s'installe à Montréal, s'installe à Paris, et elle s'active politiquement pour dénoncer la dictature du valériste. Alors on peut dire finalement que la première épine dans le pied de la dictature du valériste, c'est vraiment cette diaspora qui écrit, on le sait ici à Montréal et au Québec, qui écrit dans les journaux, qui écrit dans des magazines, qui écrit des romans, des poèmes, et qui fait valoir finalement une identité haïtienne qui n'a rien à voir avec la dictature du valériste. Ouais. Au milieu des années 70, apparence d'ouverture, Jean-Claude Duvalier qui adopte un discours d'assouplissement de son régime. On écoute un extrait d'une entrevue menée à l'époque par Pierre Nadeau. On est en 77 avec le président Jean-Claude Duvalier. Vous en avez libéré 104. Est-ce que, président, vous affirmez qu'il ne reste plus de prisonniers politiques maintenant ici? Je vous donne la garantie formelle qu'il n'y a plus un seul détenu politique en Haïti. Mais j'ai eu l'occasion de lire depuis que je suis ici, par exemple, des lettres de personnes, des lettres adressées aux journaux haïtiens, notamment la lettre d'une dame l'autre jour qui demandait au gouvernement de confirmer, par exemple, que son mari est mort, puisque son mari ne faisait pas partie de ces 104 prisonniers que vous avez libérés l'autre jour. Il y en a plusieurs comme ça, plusieurs haïtiens qui se demandent un peu ce qui est arrivé finalement de leurs parents qui ont été arrêtés au cours des années. Eh bien, je pense que de ce côté-là, vous avez été pris de vitesse. En ce qui a trait à ce surplus, je vous demanderai de vous référer aux récentes déclarations faites par le ministre de l'Intérieur. Oui, M. Gentil, je crois, a dit qu'il y aurait des certificats de décès qui seraient émis. Bien entendu, après enquête. Et il n'est pas dans vos intentions, dorénavant, donc, pour des délits d'opinion, d'emprisonner les gens. Vous voulez, et vous avez dit d'ailleurs dit que ça amorce un retour à la démocratie. Exactement, une démocratie qui se fera progressivement. Alors, cette fameuse ouverture du régime vers plus de démocratie, Jean-Pierre Le Glonec, d'abord, ça arrive dans quel contexte? On est au milieu des années 70 et dans quelle mesure, de fait, il y a assouplissement ou pas du régime? Oui, il y a une ouverture du régime et une ouverture très éphémère qui arrive dans un contexte bien particulier qui est encore une fois le contexte états-unien. Comprenez bien qu'il y a toujours là, quelque part, une marionnette états-unienne qui tire certaines ficelles en Haïti. Sous Nixon, Nixon n'a aucun problème à soutenir la dictature du valériste. Les armes de l'armée et des tontons Makoutes sont fournies par les États-Unis. Lorsque Carter arrive au pouvoir en 1976, la chanson est différente. Carter est prêt à soutenir le régime haïtien, le régime du valériste, il est prêt à soutenir financièrement la libéralisation de l'économie. Cependant, il demande en contrepartie une certaine ouverture sociale et politique de la société haïtienne, finalement en gage de reconnaissance. Alors oui, certes, certains partis politiques non du valériste sont créés, la presse regagne une partie de sa liberté d'expression, on voit même, on assiste même à la création d'une Ligue haïtienne des droits humains. Alors oui, donc il y a ouverture de la société haïtienne, la société civile s'organise, notamment à travers les églises, mais il n'en reste pas moins que lorsque Reagan arrive au pouvoir en 1980, eh bien la chanson change encore. Ouais. Et cette fois-ci, Reagan, eh bien, trouve en Jean-Claude Duvalier un nouvel allié fidèle contre le communisme. Et resserrement, donc, du régime. Vous évoquez l'Église. Ce serait important parce qu'au fond, il fuit Haïti en 86, Duvalier. Qui seront ses opposants et comment, en dictature pure et dure, comment s'organise ce mouvement d'opposition? Il y a l'Église, entre autres, bien sûr, mais qui sont ces gens et comment s'organisent-ils? Posez une excellente question. Mais avant, j'aimerais rappeler qu'en effet, beaucoup s'organisent contre le régime. Un régime qui a tué entre 20 000 et 60 000 personnes tout de même sous le régime du père et du fils. Alors oui, ceux qui ont survécu à la répression ont réussi à s'organiser. S'organiser certes à travers l'Église, notamment à travers les prêtres et autres missionnaires qui se revendiquent de la théologie de la libération, mais les Haïtiens s'organisent également dans les campagnes, à travers des syndicats, à travers des partis politiques. On s'organise de manière culturelle. Jean-Dominique, le journaliste assassiné en Haïti en 2000, hein, rappelait dans un article célèbre comment les paysans de l'Artibonite chantaient dans les prisons du régime duvaliériste des chants de la Révolution haïtienne de 1803. Et le fait de chanter ces chants-là était une manière pour eux de se réapproprier un ensemble de symboles du nationalisme haïtien que la dictature duvalieriste s'était appropriée. Ouais. Et alors, du côté de l'Église, il y a cette figure qu'on connaît bien, celle de Jean-Bertrand Aristide. Oui, Jean-Bertrand Aristide est en effet ordonné prêtre en 1982 et il symbolise bien ici le rôle fondamental que joue l'Église catholique dans la fin de la dictature duvaliériste. Jean-Bertrand Aristide appelle dans son premier sermon à la mise en place, à l'actualisation d'un évangile de la libération. Il entend libérer son peuple et un an plus tard, lorsque le pape Jean-Paul II séjourne à Port-au-Prince, hein, il appelle également au changement. Alors l'Église catholique joue un rôle très important à travers sa radio, notamment Radio Soleil, qui sera interdite brièvement en décembre 1985, peu de temps après le départ de Jean-Claude Duvalier. Et quel sera, Jean-Pierre Le Glonec, le coup fatal? Qu'est-ce qui fait que le régime va tomber? Quel coup fatal choisir? J'ai envie de filer l'importance de l'Église catholique et de vous dire que le coup fatal, c'est la création de ce qu'on appelle les communautés ecclésiales de base, les til-églises. Ces communautés informelles, sans prêtres, sans hiérarchie, sous la houlette d'animateurs laïcs, à travers lesquelles la société civile haïtienne s'organise, refuse, prie, discute, échange, s'entraide et fait circuler l'information. Le coup fatal à la dictature duvaliériste, c'est lorsque la masse haïtienne se réunit et forme une nation qui refuse l'oppression de l'État. Le véritable coup fatal, ou élément déclencheur, si vous voulez bien, c'est en novembre 1985, au Gonaïves, lorsqu'une manifestation d'étudiants dégénère et que le pouvoir exécute trois des manifestants, des jeunes manifestants. Mais à partir de ce moment-là, la société haïtienne, entre dans un phénomène plutôt révolutionnaire. Et de novembre 1985 à février 1986, Jean-Claude Duvalier ne peut plus rien faire. Welcome, baby doc. Bon séjour sur la Côte d'Azur. Dors tranquille, baby doc. Y'a pas de prison pour toi. Tennis, piscine, belle, belle voiture. Welcome, baby doc. Longue vie sur la Côte d'Azur. Welcome Baby Doc, chanson sarcastique pour le moins de Michel Delpech sur l'exil de Jean-Claude Duvalier en France. Énigme pour moi, Jean-Pierre Le Glonec, il va affiler des jours, des années tranquilles, Jean-Claude Duvalier en France, sans jamais être inquiété. Comment on peut expliquer ça? Bon, il faudrait sûrement une émission spécifique pour répondre à cette question. Écoutez, je voudrais avancer deux hypothèses. D'abord, au fond, Jean-Claude Duvalier quitte Haïti en février 1986, mais le duvaliérisme lui continue. Et continue encore, selon la plupart des observateurs qui écrivent et réfléchissent à Haïti. Et donc, à partir du moment où le duvaliérisme continue, personne en Haïti ne demande justice. Personne, du moins dans l'appareil étatique, demande justice et donc une forme de réconciliation qui supposerait l'identification des coupables, comme ça se fait dans d'autres pays, par exemple en Afrique du Sud. Alors le duvaliérisme continue et la deuxième hypothèse, c'est que la communauté internationale se satisfait du statu quo en Haïti et se satisfait finalement d'un climat d'impunité. Ouais. Alors, on pourrait dire que pour les États-Unis et la France, eh bien, la libéralisation économique prime sur la justice. Ouais. Coup de théâtre, donc il sera en exil pendant des années en France, dans ces conditions décrites à sa manière par Michel Delpech. Mais coup de théâtre, le 16 janvier 2011, Jean-Claude Duvalier rentre en Haïti. Duvalier est arrivé à la surprise générale. Il n'y avait aucune annonce, il n'y avait aucun événement précédent annonçant l'arrivée de Duvalier. Et c'est donc une heure environ avant l'arrivée du vol d'Air France, le vol régulier d'Air France, que la presse a été alertée par la présence de Jean-Claude Duvalier sur ce vol de Air France qui était en direction d'Haïti. Voilà, donc C'est à la surprise générale qu'il est arrivé, mais ceci n'a pas empêché que ses supporters se manifestent rapidement dans les rues de Port-au-Prince pour acclamer son retour. Bien. Est-ce qu'on sait quels sont les motifs de sa présence en Haïti? Écoutez, il n'a pas répondu aux questions de la presse, sauf pour dire qu'il était content d'être là et qu'il voulait aider. Par contre, son épouse a parlé un petit peu à la presse et elle a expliqué que le déclic a été fait après le 12 janvier, quand Jean-Claude Duvalier a vu les images du tremblement de terre et les reportages réalisés sur Haïti après le séisme du 12 janvier 2010, il y a environ un an. Elle a dit c'était à ce moment-là le déclic, il a senti l'envie, le besoin de retourner en Haïti. Extrait d'une correspondance du journaliste Clarence Renoir le 16 janvier 2011. Jean-Pierre Leglonec, pourquoi diable Duvalier revient-il en Haïti? C'est évoqué rapidement dans cet extrait qu'on vient d'entendre, mais sachant qu'il s'expose à des accusations, qui viendront plus tard d'ailleurs, de crimes contre l'humanité, de détournement de fonds publics, pourquoi revient-il? Bon, Jean-Claude Duvalier revient sûrement parce qu'il n'a plus d'argent, et ça c'est sûrement la première raison, il est malade par ailleurs. Donc on comprend bien que Jean-Claude Duvalier ne revient pas en Haïti pour reconnaître ses crimes. Il n'a absolument rien reconnu à partir du moment où il est arrivé en Haïti. Alors certes, il s'expose à des accusations, mais Jean-Claude Duvalier sait très bien que l'État est encore un État néo-duvaliériste et qu'il ne court véritablement aucun risque lorsqu'il rentre, en effet, de manière surprenante en Haïti en 2011. Ouais. Il y aura quand même des accusations, mais bon, il échappera donc au jugement parce qu'il meurt en octobre 2014. Mais il y a eu ces accusations de crimes contre l'humanité et de détournement de fonds publics. Il y a en effet des accusations qui sont notamment portées par un collectif contre l'impunité, à la tête duquel se trouve la femme du journaliste assassiné dont je parlais tout à l'heure, Jean-Dominique, hein, Michel Mantas. Alors oui, il y a collectif contre l'impunité, mais de manière beaucoup plus générale, l'État reste un État néo-duvaliériste. Écoutez, lorsque Jean-Claude Duvalier meurt, le président actuel d'Haïti, puisqu'il n'y a toujours pas d'élection en Haïti, le président Martelly reconnaît en Jean-Claude Duvalier un grand-fils d'Haïti. Donc le plus haut représentant de l'État haïtien n'a aucune volonté ici de traduire Jean-Claude Duvalier en justice. Ouais. Dans les années 80, la masse haïtienne voulait déchouquer l'État haïtien. Déchouquer, ça veut dire déraciner. Il était question de déraciner l'État Makout, l'État des volontaires de la sécurité nationale. Eh bien, en fait, bien peu de choses a été déracinées entre 1986 et aujourd'hui, et jusqu'à la mort, évidemment, de Jean-Claude Duvalier. Vous l'avez évoqué à quelques occasions, il reste très très peu de temps, mais le duvaliérisme est toujours présent, dites-vous, dans ce pays. Ils en sont où, les Haïtiens, par rapport à la figure, par rapport à cette figure de Jean-Claude Duvalier? Ben je crois qu'on peut dire que Jean-Claude Duvalier est mort, mais au fond, les piliers, j'avais commencé par vous détailler les piliers de l'État duvaliériste, la plupart de ces piliers sont encore présents. La corruption, notamment, l'appropriation par l'État des symboles du nationalisme haïtien, l'appropriation par l'État de l'argent qui entre dans le pays, soit par la diaspora, soit par la communauté internationale. Au fond, aujourd'hui, l'État au pouvoir est un État qui continue à s'accaparer l'essentiel des richesses. Jean-Pierre Leglonec, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. C'était fascinant, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Bien, je vous en prie. Merci. À la réalisation de cette émission, Mathieu Beauchamp, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Lévesque. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.